écrit pour dire que yo ka existé. On y doit à l'amour, et y a qui ça tous les jours. Alors, nous sommes à respect.